protectrice des animaux. C'est d'une bassesse. T'as pas lu la SPA? Celui-là, non. Son Facebook. Le tireur présumé de la nouvelle première ministre du Québec est un chasseur. Les études prouvent que tuer des animaux est la première étape qui mène ensuite à celle de tuer des humains. Sur le site de la SPCA. Caroline, je côtoie des futurs tueurs, moi. Alors, les médias anglophones, vous avez entendu M. Beaulieu, au banc des accusés, tous ceux qui lisent la Bible, au banc des accusés, les chasseurs, mes amis les chasseurs, je suis désolé, vous êtes sur le bord de tuer du monde. C'est la première étape, c'est totalement faux en passant. J'ai lu beaucoup sur les tueurs en série. Oui, il y en a qui ont commencé à maltraiter des animaux, mais il y en a plein qui adoraient les animaux. Non, mais il y a une différence entre maltraiter des animaux et aller à la chasse aussi, là. Alors, il y en a qui se servent, mais c'est se servir du sang de quelqu'un d'innocent, c'est se servir d'un attentat. Vous prenez ce geste-là qui est épouvantable, qui a coûté la vie à un père de famille, vous en servez pour faire de la politique, blâmer les médias anglophones, blâmer les chasseurs, blâmer les religieux, mais c'est, à proprement parler, dégueulasse, bas et ignoble. Ça continue, c'est pas fini. Véronique Cloutier, c'est moins pire un peu, Véro, mais elle a accusé les réseaux sociaux. Elle dit pas pouvoir cibler les coupables, mais selon l'animatrice, le climat de haine qui règne sur les réseaux sociaux, ça peut craquer certaines personnes. J'aurais posé la même question à Véro. Tu reconnais-tu Richard Henry Bain? Es-tu sûr qu'il va sur Twitter et Facebook? T'es-tu au courant de ça, toi? Tout d'un coup, on apprend qu'il n'y a même pas l'ordi chez eux. Ça se peut-tu? Tu vas avoir l'air de quoi? Ils ont l'air de... Ah, les réseaux sociaux! Léopold Lozo en a rajouté. Ça, c'est la meilleure. J'en ai des meilleurs. Restez avec moi, là. Il répond à Véro. Certes, l'anonymat des réseaux sociaux amène des insultes, mais le racisme vient de bien plus profond, d'en haut. Il vient des politiciens et du patronat. Bon, alors... les boss, avec les chasseurs, avec les religieux, avec les médias anglophones, avec les radios de Québec, les boss! Prenons l'exemple de la grève étudiante, qui s'est soldée par une profonde crise sociale alimentée par les politiciens dont Jean Charest, pas par les radicaux, là. Non, Jean Charest. Il a traité le manifestant de terroriste puis de voyou. Hey, le mépris en un, non? Alors, toi, politicien, faut être responsable de ça. Ça, c'est quelque chose... Juste une petite parenthèse là-dessus, juste, là. Oui. Je vais finir celle-là. On traite Jean Charest de voyou, puis alors que c'est eux autres qui lancent des choses contre les autos de police, qui mettent des feux, qui empêchent les étudiants de se promener puis de rentrer dans l'école pour aller étudier. Mais c'est toujours le discours de la gauche de dire que le mépris vient justement du Parti libéral. Sérieusement, ça, c'est, je comprends pas que ça passe, ça, tout simplement. Puis as-tu remarqué, José, qui on retrouve au banc des accusés, là? T'as-tu remarqué que les syndicats et les péquistes sont pas là? Aucun syndicat. Aucun péquiste. Il y a le Parti conservateur du Québec qui a dit que c'est Pauline Marois qui l'avait peut-être cherché. Ça, ils l'ont échappé. Tout le monde à droite leur a tombé dessus, justement, puis j'étais bien content. Hein? Les chasseurs, les gens qui vont à l'église, les religieux qui lisent la Bible, les réseaux sociaux, les politiciens, mais ils citent surtout Charest, là. Ils parlent pas des autres. Tout là. Grosso modo, vous avez compris que nous serons bientôt tous au banc des accusés et se retrouvera sur le siège des juges tous les syndicalistes, les péquistes et les intellos. Donc, ceux qui sont du bon bord, eux sont tous corrects. Ils ont jamais fait d'excès. Ils font pas d'excès verbal, eux autres. Ils menacent jamais personne. Toutes les manifs dans la rue, ça s'est toujours bien passé. Ils exagèrent pas. Puis de l'autre bord, il y a tout le reste. Puis on a tout du sang à ses mains. Moi, c'est comme si on me garochait du sang à ses mains. Je trouve ça, là, ça vient me chercher, José, là, sérieux, là. Tu peux pas savoir, c'est ignoble.